Return to the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Salut les loulous. Le 6, je serai Rémi Raymond. Tu viens, c'est mon spectacle, début de ma tournée. Ça, c'est bon ça. Allez, viens, on va rigoler. Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, je suis Lia et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi au téléphone l'artiste aux multiples talents et casquettes, comédien, animateur radio et télé entre autres, mais surtout humoriste, stand-upper, Tariq. Bonjour, comment tu vas ? Ça va très bien et toi, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors comment toi tu te présenterais avec tes mots ? Parce qu'on te présente toujours, mais moi j'ai envie que ce soit toi qui te présente aujourd'hui. Mais ta présentation elle était géniale, c'est vrai que je suis un peu un touche-à-tout hyperactif, c'est l'expression que j'utilise souvent. Je fais énormément de choses qui sont dans de domaines divers et variés. Je fais de la télé, je fais du ciné, j'écris des scénarios, je monte sur scène, je fais énormément de choses, mais j'aime bien le métier de l'art, on va dire, en règle générale, donc c'est vrai que je fais un peu tout, quoi. Un artiste, quoi. Voilà. Un artiste complet. Eh ben voilà. Un entertainer, comme disent les Américains. Pas mal, pas mal. Alors ici, nous sommes dans les Vosges où tu te produiras très bientôt. Hein. C'est ce jeudi déjà. Et jeudi. Ouais. Et toi, tu te trouves où, là, à cet instant précis ? Au moment où je vous parle, je fais exactement le même métier que toi. Je suis à la radio, je suis à Beurre FM. Génial. Et j'anime mon émission. Ah d'accord, écoute, c'est pas mal. Alors tu seras en spectacle à Remiremont ce jeudi 6 janvier à 20h au Centre Culturel Gilles Berzog. On va faire un petit flashback de ton parcours rapide. Allez, c'est parti. Tu débutes en te produisant dans différents cafés-théâtres parisiens, mais c'est en 2018, lors de l'émission culte La France a un incroyable talent, que le public, mais surtout les professionnels, te découvrent. Tes passages remarqués pendant l'émission te vaudront le surnom de roi de l'improvisation. C'est exactement ça. Comment ça se passe derrière le rideau de ce genre d'émission ? Alors c'est beaucoup de trac, beaucoup de peur. Alors ça c'est pour les autres candidats. Moi perso, ce jour-là, je le dis souvent, je le raconte très souvent dans les interviews. Moi c'était pas ça, c'était limite je voulais m'enfuir parce que j'avais l'impression que j'avais pas ma place là-bas. D'accord. Parce que c'était vraiment les candidats de la France Incroyable Talent, c'est des gens qui font des shows extraordinaire, qui jongle, qui danse. Puis moi, j'arrive, j'ai pas de matériel, j'ai un micro, je suis habillé normal, j'ai pas de costume. C'est un peu c'est le stand-up, quoi. Tu vois, je viens vraiment pur, j'ai juste un micro, quoi. Et c'est vrai que, à un moment donné, je raconte souvent cette anecdote, et je suis parti vraiment voir la personne du casting, et je lui dis, écoute, je vais rentrer chez moi, parce que moi, j'ai rien à voir avec tous ces gens, enfin, sans dénigrer. Je disais, voilà, il y a des gens qui jonglent, qui coupent des fruits avec des cartes. Moi, perso, je fais pas tout ça, quoi. Eux, ils jouent leur vie. Moi, je m'en fous, en fait. Du coup, elle m'a dit de rester. Du coup, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'à la base, j'avais pas de stress, quoi. J'étais limite à deux doigts de m'en aller, quoi. Mais tu donnes de la joie dans le cœur des gens. Et ça, c'est important. C'est un vrai talent. Ça, c'est cool. C'est un vrai talent. C'est vrai que ce que je ressens en amour, en rire depuis 2018, là, c'est juste extraordinaire. Le public est au rendez-vous. Je suis surpris à chaque fois de ce qui m'arrive vraiment. De faire les premières parties de Gad Elmaleh, de me retrouver sur plein de trucs, à écrire des films, réaliser peut-être mon premier film bientôt. Voilà, c'est un rêve et je le vis chaque jour et c'est juste formidable. J'imagine. Est-ce que tu dirais quand même que c'est à ce moment-là que ta carrière prend son envol ? C'est un peu une question rhétorique, mais j'imagine que voilà, c'est à ce moment-là que ça se joue. Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment là que ça a commencé. Parce qu'en fait, moi avant, j'étais déjà, on va dire, connu. Enfin, pas connu, mais j'étais déjà dans le circuit parce que j'avais déjà fait 3 saisons du Jamel Comedy Club sur Canal+. D'accord. J'avais déjà travaillé quelques années sur Trace TV, j'étais déjà animateur radio. J'avais fait déjà beaucoup de choses dans le média. J'avais déjà tourné 2 films, c'est-à-dire que le film de Nawel Madani et le film de Fabrice Eboué étaient déjà sortis. D'accord. Donc j'avais déjà fait des choses. Et c'est vrai que c'est là où, on va dire, c'est ce que je dis très souvent, où les professionnels m'ont découvert. Ça m'a ouvert une porte professionnelle. C'est vrai que le public m'a été présent, dès que j'étais un peu plus connu, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que ça m'a ouvert les portes de toutes les émissions télé, de Vendredi Tout est permis, par exemple, de l'émission La Grosse Rigolade d'Hanouna. Enfin bref, ça m'a fait connaître au niveau des professionnels. Et ça, c'était important aussi dans ce métier-là, c'est de montrer qu'on est là, qu'on existe. C'est plus compliqué, en fait. Alors, c'est bien avant ça, durant tes années de lycée, que tu commences à faire du stand-up. Mais quand est-ce que tu es tombé dans la grande marmite de l'humour et pourquoi ? Alors, je le dis souvent, et c'est pas des humoristes qui m'ont donné envie de, de faire le métier d'humoriste, c'est des animateurs télé. Alors moi, je regardais énormément la télé quand j'étais jeune et je regardais Laurent Baffy, Ardisson, Antoine Decaune, Philippe Gildas, Christophe de Chavannes, et je trouvais que c'était des gens qui avaient une rhétorique, qui avaient une tchatche, qui avaient une espèce d'élégance comme ça, qui pouvaient dire des trucs très trash, mais avec beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance, et j'ai dit non, mais en fait, on peut tout dire avec de la bienveillance. Et en fait, je me dis, mais je veux parler comme ces gens-là. Et j'ai commencé comme ça à parler, à essayer de m'entraîner, à avoir une espèce de répartie d'impro, et je travaillais le truc, vraiment, je le travaillais vraiment, oui. Et on essayait de les imiter, et j'ai vu que ça faisait rire, en cours, à l'école, et c'est comme ça que, voilà, un jour, une amie m'a dit, bah, ce que tu fais ici, t'es pas capable de le faire sur scène. Je dis, bah, écoute, essayons, et je suis parti le faire sur scène, et l'aventure a commencé. Et comme ça. Génial, génial. Alors, tu dis que ton truc à toi, c'est plus d'écrire des scénarios, de faire des films, hein. Tu l'as dit à un moment donné. Exactement, ouais. Ouais, tu viens d'ailleurs de terminer, donc, l'écriture de ton premier film cinématographique SMJ, dont le tournage était prévu à l'été 2021. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est concrétisé, ce projet? Alors, tu as dit une date qui veut tout dire, donc c'était l'été 2021, tout a été bousculé, Covid, oui. Nous on a été, alors déjà le film devait se faire en été 2020, d'accord. Il a été reporté en été 2021, et là normalement reporté l'été 2022 si tout se passe bien, mais ça avance très bien, on est en préparation, et franchement c'est vraiment une belle aventure aussi, où je suis pas tout seul sur cette aventure, hein. il y a Walid Afkir, Grégory Boutboul qui était avec nous au début, et puis voilà, Véronique Benabou et puis Daniela Romano qui sont nos productrices et qui sont incroyables, qui nous soutiennent et qui nous suivent. Donc c'est vraiment un vrai plaisir, un vrai kiff, et c'est une belle aventure qui commence avec vraiment une petite boîte de production, et c'est vraiment cool. Génial. Vraiment cool. De quoi il va parler ce film? Tu peux nous en dire quelques mots? C'est un film sur le vivre ensemble, en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tente de sauver ses parents, et pour sauver ses parents, le gîte de ses parents, elle décide de passer son diplôme de directrice de centre de loisirs pour faire un centre de loisirs sur leur gîte, sauf qu'elle fait un faux diplôme et elle se retrouve à gérer un centre de quartier pendant deux semaines. Et voilà. Et dans ce centre de quartier, je vous laisse imaginer, il n'y a pas des gens complètement fous. Pas cliché, mais complètement fou. Eh ben, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Ça sortira bientôt. Alors, tu es en tournée dans toute la France pour ton nouveau spectacle Life, où je cite, tu parles avec légèreté de ta vie de papa célibataire divorcé. Alors, c'est des vraies anecdotes de vie. Ouais. Il y a tout ce que je raconte sur ma fille ou je raconte sur mon divorce sont extrêmement vrais. D'accord. Après, c'est parodié un petit peu, bien sûr, pour mettre un peu plus de rire là-dedans. Mais ce que je raconte, c'est vrai, c'est vraiment passé, c'est vraiment arrivé, quoi. Et c'est quoi l'anecdote que tu préfères raconter? L'anecdote que je préfère raconter je pense que c'est tout le passage de ma fille, parce que c'est, il est en même temps touchant, ça montre mon côté maladroit, ça montre mon côté papa poule. Ouais. J'essaie de faire au mieux pour élever ma fille, pour qu'elle... Et là, elle grandit, donc je commence à moins comprendre l'école parce que c'est petit, donc on est un peu en décalage. Donc j'essaie de faire au mieux, je raconte... Alors le passage, je vous raconte qu'elle est amoureuse, est véridique. Et le pire, c'est que j'utilise vraiment des gamins qui vivent vraiment dans son école. Je vais devoir aller... si un jour je fais une captation, je vais changer les prénoms, c'est sûr, mais j'utilise vraiment des gamins, et je raconte vraiment que le premier jour où ma fille m'a dit qu'elle avait un amour, ça m'a vraiment touché. Bah oui. Elle avait 6 ans, quoi, mais ça m'a terrassé, quoi. Donc voilà, et je raconte ça, je pense que c'est le passage que je préfère le plus. Et l'anecdote que tu n'as pas osé encore raconter sur scène? Ah, bon, il y en a plein des anecdotes que je n'ai pas osé raconter, il y en a un paquet, hein. Tu nous diras ça dans ton prochain. Je raconte tout. Je réfléchis parce que je me dis il y a peut-être des choses que j'ai pas racontées. Oh, je pense que toute la partie de ma jeunesse, mais je la raconte pas à mon adolescence parce que je l'ai pas très bien vécu, mais j'en parlerai un jour. On se tiendra informé. Alors ça, voilà. Moi je trouve que c'est un vrai super pouvoir de réussir à transformer ses expériences de vie en humour, parce que c'est pas donné à tout le monde, voilà, de pouvoir un petit peu. J'ai perdu mon mot, mais tu m'as comprise. J'ai compris. En fait, t'as tout à fait raison. En fait, c'est surtout parler avec sincérité de ce qui nous est arrivé. Moi, je sais que je peux pas inventer des sketchs qui me sont pas arrivés. C'est pas possible. Parce que j'ai du mal à raconter quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas existé. D'accord. Donc je raconte que des vraies choses, et je pense que les gens, quand c'est sincère et qu'il y a énormément de sincérité, de toute façon, le stand-up ne marche que s'il y a de la sincérité. Oui. Les gens se reconnaissent. Moi, je sais que je parle de mon divorce. C'est pas marrant, un divorce dans l'absolu. Mais je sais que les gens, très souvent, sont venus me voir à la fin pour dire, ouais, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, enfin, des gens divorcés qui viennent me raconter leur expérience. Oui. Donc finalement, ça peut être tragique, mais très drôle aussi. Ça dédramatise, voilà, c'est ce que je voulais dire. Exact, c'est voilà. Ça le mot que tu cherchais. Même moi, je le cherchais. Alors, il y a une véritable connexion avec ton public quand tu es sur scène. Ouais. Ouais, tu fais un spectacle différent à chaque fois, il paraît. Oui, c'est jamais le même spectacle. Les spectacles sont personnalisés et donc c'est jamais le même spectacle. Jamais. C'est génial. Jamais. C'est-à-dire que chaque comme j'interagis beaucoup avec le spectacle et je fais participer les gens dans mon spectacle, donc voilà, c'est jamais le même spectacle. À chaque fois, il va se passer des choses qui sont pas pareilles. Il y a des sketchs qui se créent, des histoires qui se créent sur place. Donc c'est jamais deux fois le même spectacle. Et de toute façon, c'était aussi un espèce de point important pour moi de jamais jouer deux fois la même chose. D'accord, ok. Je m'ennuie très vite, je pourrais pas jouer le même spectacle tous les jours, c'est impossible. Oui, ce serait trop rébarbatif. Ah, j'ai des collègues qui le font, hein. Je les respecte, hein. Mais moi je sais que je pourrais pas. Bon, c'est tout à ton honneur, j'ai envie de te dire. Alors, il y a un gros travail et toute une équipe hein, derrière toi sur ce spectacle, ouais, j'imagine. Combien exactement. De temps? Ouais, bien sûr, je suis pas tout seul, j'ai deux boîtes de production qui sont incroyables. L'indépendant production et Thierry Cornolti production qui sont vraiment juste magnifiques, c'est mes Avengers quoi, ils sont vraiment vraiment géniaux, franchement ils sont géniaux. Combien de temps pour mettre en place ce spectacle? Bah là ça fait depuis 2018 qu'on le bosse, après bon il y a eu les coupures, mais il évolue quoi tout le temps, on va dire. Ouais, je pense que je suis peut-être pas encore à la version def du spectacle, j'ai envie de rajouter des choses, j'ai envie de rajouter des passages. D'accord. Donc je pense oui, dans je pense pour Paris, il sera vraiment vraiment prêt. Mais là, vous verrez un spectacle vraiment très bien. Hein. J'ai pas que je vous ferai un brouillon, mais le spectacle sera super. Mais je sais qu'il y a encore des petits trucs que je veux incorporer dans le spectacle. Mais voilà, comme c'est des spectacles personnalisés, que c'est des spectacles qui évoluent, il y a des choses que je jouerai jeudi que je jouerai pas vendredi. C'est génial. C'est sûr et certain. Comme ça, si donc, on veut venir donc, te voilà. voir tous les jours, on peut. Voilà, comme ça, c'est le but, c'est de venir tous les jours. Alors, tu fais également les premières parties du spectacle de Gad Elmaleh. Comment t'arrives à concilier les deux, tous ces projets là en même temps? Eh ben, écoute, c'est de l'organisation. D'ailleurs, Gad qui m'appelle en double appel. Mais c'est de l'organisation, et j'essaie de faire ce que je peux pour faire honorer toutes mes dates. C'est vrai que c'est pas évident, mais j'essaie de faire au mieux. C'est quoi tes projets futurs? Écoute, là, je suis encore avec Gad pour sa tournée. Ouais. Je vais terminer le spectacle. J'ai commencé un deuxième film. J'ai une série que j'aimerais faire. Voilà. Ah oui, quand même. Okay. Une série policière que j'aimerais faire. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, Tariq? Bonne chance. Non, je me souhaite que les salles soient pleines et qu'on rigole et qu'on passe vraiment des bons moments et que ça se passe super bien en Remiremont. Remiremont, c'est ça. Et pas Rémi Raymond. C'est pas Rémi Raymond, parce que j'ai souvent Rémi Raymond. Ouais. Je sais pas pourquoi je veux dire. Mais t'es pas le seul. Remiremont. Tariq à Remiremont, ce jeudi 6 janvier 20h à l'espace Gilbert Zog. Merci beaucoup, Tariq, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et je te laisse retourner à ton émission radio. Sans problème. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci.